Premier son sur mon nouveau tel. Premier jour du mois c'est la paye. Premier million de vues sur AMG. C'est la première fois que j'ai pété la taille. On les baise, moi je suis dans mon délire. Ils racontent tous leurs moindres délits. Endettés, ils demandent un délai. Mais nous mettent la carotte, moi je te mets au défi. C'est de la zup que il sort le Dutch. Tu nous critiques, gros tacle à la gorge. Des jaloux dans le dos et j'en passe. Mais qu'est-ce qui se passe quand ils nous voient dans le Porsche? Bah, bah ça blablate. Ils ont coincé du cul ou quand ça rabatte. Le gros rien que ça jacque, tu ne salaires qu'à, il faut mettre des droites. Toi, tu veux me voir détruit, un vieux ramèche, la tête au sabbat. Moi, je fais danser ta mral, pense à l'allemand, t'appelles par mon blaze. Et c'est ça la vie, quand t'es connu, bah ça tue la vie. 2018 fini en beauté, c'est dans l'album que t'auras la suite. Il faut que j'aille voir ailleurs, c'est trop la merde ici, pas de taf, ça veut pas d'employeur. Il faut que j'aille voir ailleurs, la rire, on t'a pas dit franchir, c'est pire que Fox River. Faut que j'aille voir ailleurs, c'est trop la merde ici, pas de taf, ça veut pas d'employeur. Il faut que j'aille voir ailleurs, la rire on t'a pas dit franchir, c'est pire que Fox River. Deuxième couplet, je les mets tous d'accord. Deuxième verre à la tienne d'abord. Deuxième million de vues sur ma bella. J'étais dans le bloc, toujours le même décor. Des schlags, des barres, des descentes, des ports. À cette heure-ci, caille, c'est de pire en pire. L'hiver en tôle, c'est sur Red sous le jean. Pour aller au greffe ou pour voir le strip. Infréquentable, c'est ce qui fait notre style. Vida loca, c'est une vie chien, je te le dis. La terre qui pète, toute la zup surpris. Et incompris, comme par la mala gratuit. C'est moi qui ponce, c'est toi qui est tendu. C'est toi qui me taille, mais c'est moi gentil. C'est moi j'encaisse, en plus tu me rabaisse. Sont comme ça les gens, c'est comme ça la vie. Aucune pression, moi je suis comme ma vieille. On a la flemme, même d'aller en ville. On connaît pas le pays des merveilles, mais on sait qu'est-ce la mange, la femme de ta vie. À mon avis, tu te relèves pas si tu sais ce qu'on a vu. Mais je reste positif, tout comme nos darons, comme un innocent en garde à vue. Il faut que j'aille voir ailleurs, c'est trop la merde ici, pas de taf, ça veut pas d'employeur. Il faut que j'aille voir ailleurs, la rire on t'a pas dit Francheville, c'est pire que Fox River. Il faut que j'aille voir ailleurs, c'est trop la merde ici, pas de taf, ça veut pas d'employeur. Il faut que j'aille voir ailleurs, la rire on t'a pas dit Francheville, c'est pire que Fox River.